quelques années, je vous parlais de CDD, qu'il ne fallait pas rêver à la perpétuité. C'est qu'avec ces filles-là, en amour, c'est jamais gagné. Un soir ça m'est arrivé, d'ailleurs je n'osais pas rentrer. Je suis resté sur le palier pour la faire patienter. Aujourd'hui pour une fois, ce n'est pas moi qui l'attendrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là? Je n'avais pas l'impression de faire tout ce qu'il ne fallait pas. En tout cas c'est certain, j'arrive à la fin de mon contrat. Sorte de licenciement sans le dédommagement, mais un licenciement qui impose un déménagement. Faudra tout recommencer pour espérer retrouver un contrat. Comme elle, j'en ai connu, mais je m'en souviens plus. Et pourtant, je m'en suis remis. Et à chaque fois, je me suis dit, finalement, c'est peut-être moi qui suis chiant. Des habits bien pliés dans le carton de la télé qu'on avait bien rangé tout au fond du grenier. D'ailleurs, elle est où, cette télé? Ces petites boîtes de thé alignées dans l'entrée, à côté de ces bouquins que je n'avais pas aimés, m'indiquaient clairement un départ imminent. Et ces lampes, ces assiettes, ces décos d'IKEA, elle ne va quand même pas oser me laisser tout ça. Elle reviendra peut-être les chercher avec son nouveau contrat. Elle voulait me parler pour me voir pleurer, ou à genoux devant elle en train de la supplier, lui dire qu'elle est belle et que je l'ai tant aimée. Et pourtant, je lui ai dit, finalement, t'es pas si belle. Tu as raison, on va prendre nos congés annuels. Mais pourtant, je lui ai dit, finalement, t'as rien pour plaire. Allez, salut, prends tes affaires, moi je retourne m'inscrire dans une agence d'intérimaire. Et pourtant,